na sale moko te bibie kikila mwa na soki ya pesime ya kolia kamu ya kosa la tiendo kajin director soki ya deside na mela kakiza na tukali probleme za tenye kati soki sombera bika mwa na peki sina kolinga yo na kone zunga liwe soki okoti ateme na amu mangai meka koko matoka oko mwana ngana kopusa velo na yema deli malila nae vasilita bila konyoso na koimite kati vale maliko kopi na yema deli wakule nanda ya kumbeyoka mwokola kitunga iboya kawe mfete maswe ya lobela kama iza waka wili ona luha ima lila yefu motika na ima lala na ima na yolimbo yo titango na posto tuka na yeba mabena ye mamboko masamba yamuyo resuscite bana mama boyo kalisa po zumu supa na mora mike ba ira tongo na ba 6h-3 ba yo sanga ba bito grand mo pao mm vieille a jolie mayal ba ser mo ba za ba kote ko nomiko ba ser ba ba za mo ba jalouse wan ba sali mali ke mbana ba mo ba za ba mo kolo ba me mo sou vie ba mo koli ba mo sou lo mo koli sikoli ke le mango ko mo ka ya jepe oh yo ka jep ko tika ka ser wan. Parce qu'on a passé en Arabie, une tendance très très très forte. La Sahara est rire dans les grands dans les moraux et à Zahou. Les gars, vous avez vu que vous avez dit, ma bête à l'échelle, ça pas douté, c'est comme votre catalogue pour la Zali. Pas comprendre, n'a pas dit que l'on a dit que ça aussi. Proprement sur le but.